Chapitre 4. À la grille du parc. Malgré l'air mélancolique et chagrin avec lequel le capitaine Walsingham, ancien officier au service de l'honorable compagnie des Indes orientales, porte sa bonne fortune, il y a cependant bien des gens dans cet obscur village de Sussex qui sont prêts à l'envier et à le haïr, à cause de ce qu'il appelle sa chance et son bonheur extraordinaire. Il s'inquiète lui-même fort peu de ces bonnes gens et de ce qu'il leur plaît de penser de lui. Mais absorbé dans ses propres pensées, et sans doute indifférent à l'opinion du monde extérieur, il se promène au soleil de mars, dans la grande allée, sous les branches qui forment un grand berceau sans feuillage, fumant son cigare, et suivi d'un gros chien de Terre-Neuve. Quelquefois, il s'arrête à la grande grille en fer qui sépare le parc de la route poussiéreuse et regarde au loin à travers ses barreaux et ses ornements. Il y a quelque chose du lion en cage dans le regard du soldat, lorsqu'il regarde au travers du fer ouvragé, quelque chose de cet air soucieux, découragé et vague, que les poètes nous disent voir dans les yeux des aigles enfermés dans les cages de 80 pieds carrés d'un jardin zoologique. Sait-il que, pendant qu'il est là, à la grille du domaine de son beau-fils, les mains dans les poches de son vêtement du matin, sait-il que les yeux de l'envie sont fixés sur lui, et que si les désirs pouvaient amener la mort, il tomberait sans vie sur le seuil de Littlewood Park. Derrière les carreaux à facettes de l'une des petites fenêtres de la loge gothique, à droite de la grille, se tient un homme âgé d'environ 30 ans. Comme le capitaine, il est sombre et triste. Son teint est bronzé par le soleil, il est grand et fort, ses traits sont extrêmement accentués, mais contrairement au capitaine, sa démarche est lente et gauche. Il a de hautes épaules un peu voûtées, des rides précoces se montrent sous ses yeux creux, et donnent à sa bouche fortement comprimée une expression sinistre. Comme le capitaine, il fume nonchalamment au soleil du matin. Mais contrairement au capitaine, il regarde à travers la fumée bleue qui s'échappe de sa pipe en terre, avec des yeux dans les sombres profondeurs desquelles brûle le feu de la haine, de l'envie, de la malice et de la fureur contenue d'un tigre qui épie le moment de s'élancer sur sa proie. Gilbert Arnold est son nom. Il y a 10 ans, il en avait 20 alors. C'était le braconnier le plus déterminé du comté de Sussex. Changé et réformé par une prise en modèle et un chapelain évangélique, il est aujourd'hui sournois et paresseux et vit du travail de sa femme, jeune paysanne laborieuse qui garde la principale entrée de Littlewood Park. Rachel Arnold a eu des moments bien durs depuis le jour où il est 7 ans. Elle a mis un chapeau de paille et des rubans blancs pour aller épouser le braconnier Gilbert dans l'église de Littlewood. Elle a été forcée de vivre avec un homme sournois et maussade, auquel le masque du repentir et de la religion a servi d'excuse à une vie de loisirs et de fainéantise. Il est très facile au paresseux mari de la gardienne de la loge de lever au ciel ses yeux d'un jaune verdâtre quand le zèle recteur de Littlewood entre en passant pour voir comment va son protégé. Il est facile de lire des brochures religieuses, et Gilbert Arnold les aime même beaucoup, car généralement elles tonnent vigoureusement contre les riches, les beaux, les heureux, les puissants de ce monde, qu'il hait avec une furie croissante qui touche presque aux limites de la folie. Il est assez facile de tromper ces bons et simples pasteurs qui désirent si ardemment le salut de nos âmes qu'ils ne demandent pas mieux de voir dans ces apparences extérieures les signes visibles du bien intérieur. Il est facile de faire tout cela et en même temps d'être envieux et mécontent, paresseux et extravagant, méchant pour sa femme, négligent pour ses enfants, mécontent de sa position dans le monde, envieux de ses supérieurs et mal disposé pour eux. Il est facile, en un mot, de paraître un homme excellent aux naïfs habitants de Littlewood et d'être en réalité un homme très mauvais. Les Arnold n'ont qu'un fils, un enfant maladif et précoce, âgé de 6 ans. Il a des cheveux d'un blond clair, un visage maigre et pâle comme celui de sa mère et ne ressemble en rien à son vigoureux père au teint foncé. « Le voilà, Rachel, » dit Gilbert en regardant de côté le capitaine à travers les carreaux à facettes. « Qui cela ?» demanda la femme, occupée près du feu à quelque travail de ménage. « Notre nouveau maître. Je suppose que nous devons l'appeler capitaine on ne sait quoi. Le capitaine Walsingham ? Oui, le capitaine Walsingham. Ce n'est pas un crâne, non. On dirait un nom de comédie, ou celui d'un de ces romans que Milady lit sans cesse, et dont le ministre dit que ce n'est que vanité. L'escroc. Le vagabond. Je ne vais pas faire mine de saluer avant lui. Il peut bien y compter. Oh, Gilbert. Comme tous les vieux serviteurs, Rachel était du parti conservateur, mais elle était tellement accoutumée au ton de son mari qu'elle n'y faisait pas attention. « Oh, Gilbert !» reprit-il en imitant le ton de reproche de sa femme. « Oui, je puis l'appeler escroc. Quel droit a-t-il de venir ici s'engraisser avec le bien de feu Sir Reginald ? Quel droit, un misérable sans le sou comme lui, de venir ici et de s'insinuer dans les bonnes grâces de cette veuve idiote que tu appelles ta maîtresse ? Un paresseux, un propre à rien comme ça. De quel droit vient-il s'appeler lui-même le maître de Littlewood ? C'est bien assez dur d'avoir eu à baiser les souliers de Sir Reginald, mais je ne m'abaisserai jamais à baiser les siens. Vous voudriez que je le fisse, n'est-ce pas que vous le voudriez bien à présent ? Dit-il avec dépit, en s'adressant au profil du capitaine, qui venait de finir son cigare et qui s'éloignait de la grille en disparaissant dans l'avenue. Son chien coûte plus à entretenir que mon enfant, reprit Gilbert Arnold, quand il eut vu le soldat disparaître. Regarde-le, dit-il en indiquant son fils assis à la table en sapin, occupé à manger une jatte de lait et de pain. Cette soupe-là n'est pas meilleure que celle de Maître Wolf à tous les matins pour déjeuner. Je les ai vus la lui donner. Mais ils sont très bons pour nous, Gilbert. Oh, Seigneur, je le sais de reste, je l'entends dire assez souvent. Ils nous donnent ce qui est trop mauvais pour les domestiques et trop bon pour les cochons. Et ils te donnaient 5 shillings pour acheter à Jim cette paire de souliers, n'est-ce pas ? Et à Noël, ils nous donneront une bouteille de vin, de ce vieux vin rare qui change en feu chaque goutte de votre sang et vous fait paraître aussi bon qu'eux, pendant que vous le buvez. Mais qu'est-ce que cela ? Il peut bien boire son vin tous les jours. Il peut se vautrer dedans si cela lui fait plaisir. Il peut nager dans le champagne et nourrir son chien avec de l'argent. Regarde le baronnet dans sa veste de velours, monté sur un poney gris. Ce poney est un pur sang. Et il a coûté plus d'argent que tu n'en mettrais jamais à la caisse d'épargne. Quand même tu aurais beau économiser et y regarder de près. Puis vois mon fils dans ses souliers à gros clous et sa blouse de toile. Et cependant je sais qu'elle est le plus adroit des deux à tous les exercices. Oui, notre Jimmy est un garçon intelligent, dit la mère en regardant son fils avec amour. Mais il faut qu'il soit bon et qu'il fasse attention à ce qu'on lui dit et qu'il ne tourmente pas les cochons ou les poules, car cela est mal. Oh ! Que le diable t'emporte ! Dit le père avec impatience. Je n'ai pas besoin d'en faire une mijaurée. Qu'il tourmente les cochons et les poules tant qu'il voudra. J'en faisais autant quand j'étais petit. Gilbert Arnold, qui fainéantait dans sa loge toute la journée, sa pipe à la bouche et les mains dans les poches de sa jaquette de velours, n'avait pas l'air d'une personne dont il serait bon de suivre l'exemple. Peut-être est-ce ce que sa femme pensa en soupirant et en reprenant son travail. Son mari aimait à la voir se fatiguer et lui reprochait souvent d'être lente et inactive, pendant qu'il se tenait accoudé contre la porte, suivant tous ses mouvements à l'intérieur du cottage. Mais il lui arrivait parfois, d'un autre côté, de rire amèrement de son assiduité au travail, et lui indiquant du bout de sa pipe, qui entre parenthèses était rarement autre part que dans sa main, il lui demandait d'un air narquois si elle pensait qu'en travaillant autant elle n'aurait jamais une maison comme celle-là. Les dispositions de Gilbert Arnold à la haine, à l'envie et à la méchanceté étaient considérablement plus fortes que celles de tous les autres personnages de son espèce. Il détestait l'officier indien, comme nous l'avons vu, mais il avait détesté Sir Reginald tout autant, bien que le baronnet eût donné à sa femme le petit bâtiment gothique et un salaire hebdomadaire plus que suffisant, et qu'il lui pardonnait bien des méfaits commis sur les terres de Littlewood. Il haïssait l'enfant aux cheveux blonds qui sortait par la porte de la loge, monté sur son poney pur sang. Il lui enviait son beau château et les splendides appartements qui avaient dû coûter tant d'argent. Il aurait voulu l'arracher de sa selle et le rouler dans la boue du chemin. Il restait à sa porte, les nuits où brillait la lune, à regarder les fenêtres de la grande maison et à souhaiter de les voir briller tout à coup d'un éclat rouge et incandescent, de voir les flammes bleues et violettes monter jusqu'à la nuit tranquille. Jusqu'à ce que la masse imposante s'effondra sur le sol. Il y a des maisons qui brûlent, disait-il d'une voix féroce. Celle-ci ne brûlera donc jamais. Quand la petite vérole était venue répandre pendant un court espace de temps la terreur dans le village de Littlewood, le garde avait été d'une bonne humeur extraordinaire. Mais l'horrible épidémie avait passé sans avoir une seule fois montré son hideux visage aux portes de Littlewood Park. D'autres ont vu mourir leur unique enfant, grommelait Gilbert Arnold. Rien ne s'attaquera donc au sien. Mais le jeune baronnet, quoiqu'il eût échappé à bien des fléaux inhérents à l'enfance, grâce aux soins incessants de sa nourrice et de ses médecins, n'était rien moins qu'un enfant bien portant. Il était faible et souffrant, petit pour son âge et très en retard pour ses études, difficile à amuser, éprouvant du dégoût pour les exercices du corps et très peu de goût pour les livres et les gravures d'enfants. Il restait à rien faire toute la journée dans sa chambre et ne montait son poney que lorsqu'il y était forcé. Il n'était pas aussi grand à 7 ans que le fils de Gilbert Arnold à 6, et il était beaucoup moins fort. Il ne se montrait ni affectueux ni tendre, et son amour pour sa mère, qui l'idolâtrait, était faible et tout passif. Peut-être aimait-il l'enfant du garde plus que toute autre personne. Il arrêtait son poney devant la petite porte, quand James Arnold jouait dans le jardin. Il faisait sans question enfantine, tandis que, toujours caché dans l'ombre de la petite porte, le père, au visage soucieux, promenait à la dérobée sur les deux enfants le regard de ses yeux verts jaunes. Il était remarquable que Gilbert Arnold évitait toujours le soleil. Il avait même dans sa cabane l'air d'un homme qui se dérobe aux yeux d'un ennemi. Peut-être était-ce une vieille habitude de sa vie de braconnage, où il restait pendant de longues heures caché derrière les haies ou couché dans des fossés desséchés. Il ne faisait le tour de son cottage que d'un pas lent et prudent, comme s'il s'attendait à chaque angle à se trouver face à face avec un garde-chasse ou un constable. Il n'était coquet ni de sa maison ni de sa personne. On le voyait d'un bout de l'année à l'autre avec la même jaquette de velours, à laquelle pendait par-ci par-là un bouton de verre cassé, une cravate d'étoffe de laine de couleur, attachée avec un nœud coulant sous le col de sa chemise ouverte. Un vieux pantalon en tartan du feu baronnet, tombant en large plis sur ses jambes, et des bottes trouées et éculées à ses pieds. Pendant ses promenades du matin, le long de l'avenue, le capitaine Walsingham finit par remarquer cet homme qui se cachait dans l'ombre de la porte de son logis à l'entrée du parc. Il lui disait quelquefois bonjour, sauf quoi l'autre ne répondait que par un grognement de mauvais augure qui n'encourageait pas la conversation. L'officier indien finit par prendre une espèce d'intérêt à cet homme étrange, dont la face sinistre et les manières sournoises lui inspiraient la curiosité de connaître son passé, ce qui le conduisit à prendre des informations sur ce garde misanthrope. « Un braconnier converti, » dit-il d'un ton pensif, quand un des domestiques du château lui eut raconté l'histoire de cet homme. « Un vieux gibier de prison, un paresseux, un hypocrite, vivant du travail de sa femme, qui est trop bonne. Hein, je l'avais bien pensé. » Depuis ce jour, le garde bourru semblait avoir un attrait tout particulier pour le beau capitaine. Celui-ci finit par entrer en conversation avec lui, presque contre la volonté de Gilbert Arnold, qui se faisait arracher les paroles une à une et paraissait souffrir de l'insistance de son interlocuteur. Il le questionnait sur sa vie errante d'autrefois. Il lui demandait s'il n'était pas plus heureux quand il braconnait, plus heureux encore dans la prison du comté qu'il ne l'était maintenant. Mais Gilbert Arnold était un trop grand hypocrite pour répondre à ces questions autrement que par de mensongères protestations sur sa mauvaise vie passée et sur son repentir actuel, qu'il entremêlait pieusement de citations tirées des brochures religieuses que lui prêtait le ministre. Mais ni la mauvaise humeur, ni l'hypocrisie n'avaient le pouvoir de refroidir cet intérêt excentrique que le ci-devant braconnier avait excité chez le capitaine Walsingham. Et l'officier venait rarement à la grille du parc, sans s'arrêter pour causer devant la haie basse qui entourait la petite maison gothique. Les yeux du braconnier, brillant d'un éclat sinistre dans l'ombre du porche, semblaient l'attirer et le retenir par leur influence magnétique, comme le chat qui rampe fascine un oiseau par son regard. « C'est bien l'un de ces hommes à venir derrière vous, au milieu de la nuit, dans un chemin sombre avec un bâton ou un emplâtre de poids, » murmura le capitaine en quittant Gilbert Arnold, après une de ses conversations. « Il a fait de vilaines choses dans sa jeunesse, et il se hait d'autant plus qu'il hait les autres parce qu'ils ne sont pas comme lui. C'est un poltron dangereux, sournois, rampant et sans cœur. » J'en jurerais. Et cependant, malgré tout cela, j'aime à le regarder et à m'occuper de lui.